On évoquait le film qu'il a réalisé sur Annie Cordy qui s'appelle Tatiani, une artiste aux mille et une vies. Et Cyril Gallet nous interprétait quel morceau ? Un titre avec Annie Cordy, en duo avec elle. Et il s'agit de L'indifférence, l'indifférence avec Annie Cordy et Cyril Gallet. Les lâchetés, quelle importance ! Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, un homme marche, tombe, crève dans la rue. Eh bien, personne ne l'a vu. L'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, chez toi, tu n'es qu'un inconnu. L'indifférence, tes enfants ne te parlent plus. L'indifférence, tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur causes. Vous vous aimez et vous avez un lit qui danse. Mais elle guette, elle vous guette et joue au chat à la souris. Mon jour viendra, qu'elle se dit, l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, y a plus de haine, y a plus d'amour, y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés. D'indifférence, je voudrais l'avoir crucifiée. L'indifférence, qu'elle serait belle écartelée. L'indifférence. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés d'indifférence. Je voudrais la voir crucifiée, l'indifférence. Qu'elle serait belle, écartelée, l'indifférence. L'indifférence, c'était Cyril Gallet et Annie Cordy sur Arc-en-Ciel. Cyril Gallet qui est avec nous aujourd'hui sur Arc-en-Ciel. Cyril, quel souvenir gardez-vous de ce duo avec Annie Cordy ? Oh ben, en fait, je voulais déjà, dans ce coffret, rendre hommage, je rends hommage à plusieurs artistes du musical qui m'ont fait rêver, même si c'est pas du tout ma génération. Hein. Gilbert Bécaud, là, pour L'indifférence. Il y a Jacques Brel aussi qui est un peu mon chouchou, Ferré, etc. Et c'est vrai que c'était une évidence de proposer à Annie Cordy d'interpréter en duo cette indifférence de Pecco, parce que d'abord elle était amie avec lui, et parce que cette chanson est magnifique. Ensuite, donc elle a répondu spontanément à l'invitation, et puis avec toute sa générosité. Et puis après le jour de l'enregistrement, bon, moi j'étais très très tendu, un trac énorme, bien sûr, on n'a pas tous les jours l'occasion de chanter face et aux côtés d'une grande dame comme elle. Mais ce qui était très touchant, c'est qu'elle a su tout de suite casser les barrières, me mettre à l'aise. Et puis j'ai vu tellement, très très concentrée sur le projet, sur la prise qu'on devait faire, que finalement, je me suis dit, voilà, elle a pas joué du tout les grandes divas qui disent, voilà, moi j'ai tant d'années de carrière, donc elle se remet toujours en question. Donc il y avait vraiment, au bout d'un moment, une complicité qui s'est nouée et on travaillait vraiment pour que la chanson soit réussie. Donc elle m'a mis à l'aise, quoi. Donc c'était vraiment un super moment et j'en garde. Bah, quelques images d'ailleurs ont été filmées par sa nièce, Mimi. Oui. Donc c'est des images inoubliables parce que c'était un moment inoubliable, quoi. Mais on comprend. Et le résultat est magnifique. Est-ce que ce titre apparaît justement dans votre... On va parler de votre dernier album, le dessin comme ambition, comme volonté? Oui, oui. Bah en fait, en effet, le dessin, album studio, est sorti en mars dernier, en mars 2016 plutôt. Et là, dans ce coffret, donc il y a bien sûr l'indifférence. Parce que l'indifférence, on l'a déjà enregistré il y a un petit moment, parce que c'était à l'automne 2015. Voilà, donc ça fait bientôt 2 ans. Donc il était dans l'album précédent, mais là, dans le coffret, il y a bien sûr l'indifférence qu'on a remis, puisqu'on a remis des titres d'anciens albums, plus de mon tout premier album studio de 2004. Et également, on a mis les clips vidéo de l'indifférence, plus le making-of. Donc on a vraiment voulu mettre tout ce qu'on avait dans nos bagages ces dernières années dans ce coffret. Alors dans ce coffret, on lit dans la presse de jolies choses qui ont été écrites sur cet album. Entre autres, un journaliste du quotidien de la chanson qui s'appelle Nos Enchanteurs. Oui. Ce journaliste, c'est Michel Camper, qui écrit ceci. Alors je ne pourrais pas dire mieux que ce qu'il a écrit sur vous, c'est pour ça que je le cite. L'écriture de cet album, l'écriture est précise et lettrée, pesée. Pas un mot ne dépasse, ne trouble le bel ordonnancement. On y parle de dessin celui que l'on dessine, de dessin, le titre de votre album, de volonté, d'ambition. Pas de sein, n'osant les contours féminins. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien, ça il vous cite. L'ombre du mot, aussi évident que pudiquement absent, plane sur les chansons qui suivent. Par cette femme araignée que l'on a entendue tout à l'heure, qui chaque soir vient dans la chambre à coucher, par cet amour adolescent, le désir, le mirage, les 6 premiers titres de l'album forment une histoire, passionnante dramaturgie, amour impossible qui vire au tragique. Ça vous laisse silencieux qu'on écrive ceci sur vous? Ça me fait plaisir, vraiment. En plus, Michel Camper, en effet, c'est quand même quelqu'un qui connaît la chanson française et qui la défend depuis de nombreuses années. Donc c'est vrai que ces mots-là m'ont fait plaisir. Et puis, je pense qu'en effet, il a tout à fait saisi, le fond, en tout cas, des thèmes que j'aborde, qui sont en effet l'adolescence, l'enfance, un peu ce côté torturé, de ce passage toujours difficile de l'enfance à l'adolescence, au monde adulte, etc., etc. Et c'est vraiment c'est mes thèmes de prédilection, en effet, il a bien raison. Le temps qui passe m'obsède. Souvent, je suis obsédé par des choses qui sont pas forcément très joyeuses, mais je suis pas quelqu'un de triste dans la vie, mais j'aborde souvent des thèmes assez mélancoliques, où la nostalgie est souvent de mise. Donc, non, ça fait toujours plaisir quand voilà, il y a même des gens qui viennent me voir à la fin des concerts et qui me disent, cette chanson-là me fait penser à ça, m'a touché parce que j'ai justement vécu quelque chose un peu comme ça. Et je trouve ça génial parce qu'on fait des chansons aussi pour que les gens se les approprient, en fait, hein, pour que les gens, à un moment donné, ressentent quelque chose et puis que ça les touche dans leur histoire, dans leur propre histoire. Donc ça c'est intéressant, et puis j'aime bien aussi dans mes textes laisser quelques sous-entendus, voire quelques doubles interprétations. Parfois sur même chanson j'ai des gens qui interprètent 2 choses différentes, donc ça c'est encore plus amusant. Alors justement, ces jolis mots qui étaient écrits par Michel Camper sur cet album, entre autres il vous citait le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien, c'était un extrait de la chanson titre, Le Dessin. Oui, donc le dessin au sens ambition, volonté. Et je vous propose de l'écouter maintenant avant de vous retrouver et de parler de vos prochains concerts. Bonjour madame, je vous offre ce dessin. Je vous ai dessiné, vous me tenant la main. avec votre chapeau roux et vos souliers en daim. Et moi en tout petit, le garçon aux cheveux bruns. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien. Qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la la. J'y mis tout mon cœur car je vous aime bien, usant toutes mes couleurs et mes pinceaux en crin. Comme décor, j'ai dessiné le plus beau jardin pour que vous ne soyez las. Devant-nous un chemin. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la la. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la la. Vous semblez, madame, intriguée par ce dessin. Vous n'aimez guère vos traits et contours, je le crains. Aurais-je oublié dans votre sourire un peu d'humain, ou dans le regard quelques reflets de satin. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la la la. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la la. Pardon, madame, ce n'est que l'œuvre d'un gamin. J'avoue avoir raté les contours féminins. Mais de ma candeur, je ne voyais que votre main. Une main que je voulais, douce telle un écrin. Qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la. Le dessin qu'elle a fait sien n'était pas le mien. La la la la la la. Qu'elle a fait sien n'était pas le mien. Cyril Gallet, c'était le dessin, le titre phare de son album. Vous jouez vous-même du piano? Vous vous accompagnez vous-même? Oui, ben là par exemple sur ce titre qu'on vient d'entendre, ouais, je m'accompagne au piano sur certains titres, mais la plupart du temps c'est mon ami Laurent Esteva, d'accord, qui est bien meilleur pianiste que moi et qui assure le piano et puis également pas mal de parties de composition. Dans les chansons, ouais, on travaille vraiment, vraiment en binôme avec Laurent et puis Sébastien. Et Sébastien Farge à l'accordéon. Qui apporte lui toute la coloration, on va dire, et ses arrangements accordéonesques qui sont très très sympas. Ouais. Alors tous les trois, vous serez sur scène justement très bientôt en Normandie, le 21 juillet précisément. Oui, voilà. Le 21 juillet à 20h à la Villa Quartz. Alors on disait tout à l'heure, c'est près de Dieppe effectivement. Alors on va donner la ville exacte, c'est Varangeville-sur-Mer. C'est ça. Ah ben voilà, ben vous en savez plus que moi. Oui, Varangeville-sur-Mer. Ouais, il paraît que c'est très beau en tout cas. J'ai vu des photos, ça a l'air très sympa. Alors ce sera très beau et surtout avec vous qui illuminerez la scène du Quartz, de la Villa Quartz. Vous y jouerez votre album Dessin ? Oui, mais en fait on va jouer les chansons en effet de l'album, les quelques reprises aussi, que j'aime bien entrecouper un peu mes chansons de reprises, donc de Brel, Ferré, Beko, etc. Mais voilà, donc on a un programme très très hétéroclite en fait, parce que on a toutes nos influences, tous les trois qui transpirent, on va dire, dans le répertoire. Donc il y a un peu de tout, quoi, à la fois le jazz, à la fois... Alors lequel est inspiré par le jazz ? Le pianiste ? Laurent et Sébastien sont très jazz, mais c'est vrai que Sébastien a une autre culture, parce que lui, il touche vraiment au classique, classique pur et dur, et puis à la fois le musette, parce que l'accordéon, c'est un instrument hyper riche, hein, donc il amène un peu toute cette fantaisie, parce que c'est un mélange qui rend quelque chose d'assez fantaisie. Oui, parce que c'est un instrument souvent associé seulement à la musette, au folklore, alors que vraiment l'accordéon peut être joué à toutes les sauces. Et à tous les styles de musique. Ça, c'est assez méconnu, c'est dommage d'ailleurs. Claudio Capeo, c'est vrai, l'a rendu plus à la mode. Et tant mieux que l'accordéon soit. Qu'on lui rende ce qu'il mérite, parce qu'il peut être joué vraiment dans tous les styles musicaux, c'est vrai. Et c'est vrai que Sébastien s'en sert aussi comme un accessoire parfois. Il n'ajoute pas grand chose, mais c'est des petits. Par exemple, on a une chanson qui s'appelle La pluie. Et donc avec son accordéon, il fait les petits bruits de la pluie qui tombe. Donc c'est toute cette petite poésie-là qui est possible grâce à cet instrument. Et bien sûr, Laurent, avec le piano, lui, il a beaucoup d'influence. Alors lui, il est plus rock, plus pop. Il est plus il a aussi cette couleur-là dans le tapé, parce que bon, le piano, c'est un instrument à percussion, hein, en fait. Oui, oui. Donc il y a donc tout ce mélange-là qui est assez sympa. D'ailleurs, dans le dessin, donc qu'on écoutera, je pense, d'ici la fin de l'émission. Alors, il y a en effet toute une, on va dire, une influence plus pop. On verra ça tout à l'heure, mais je vous propose du coup d'écouter, vous en parliez à l'instant, La pluie, où on retrouve Sébastien Farge qui nous fait des sons étonnants à l'accordéon pour illustrer La pluie, Cyril Gallet sur Arc-en-Ciel. Elle pleure comme une mère qui aurait froid dans son corps de longues aiguilles. Qui viennent la piquer dans le cou. Son corps se met à frissonner sous la pluie d'orage du mois d'août. Les larmes sont si belles quand elles pénètrent la paix. C'est l'humeur naturelle qui sente se libère. De fines gouttes silencieuses qui coule doucement sur sa joue, comme une caresse des cieux, qui rend le rocher aussi doux. Quand la terre souffre de tes larmes, quand les joues se creusent un peu, quand la pluie devient une arme pour faire parler les yeux. Ta peau semble si fragile et le corps un peu froid. est moins puissant ou inutile. Je la prends dans mes bras. La pluie, après une belle journée ensoleillée d'été, ça donne un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Eh bien, la pluie, c'était celle de Cyril Gallet sur Arc-en-Ciel aujourd'hui, avec à l'accordéon Sébastien Farge et au piano Laurent Esteva. Une pluie que vous ferez couler par des soirées ensoleillées. Au concert, on va le rappeler, en Normandie, le 21 juillet, concert près de Dieppe, à Varangeville-sur-Mer. Et puis, au mois d'août, pour le festival à Montluçon, le festival de la chanson française, qui a lieu du 18 au 20 août, vous serez sur scène le 19. Voilà, le 19, en fin d'après-midi, en plein air. On espère que le soleil sera au rendez-vous et pas la pluie, pour le coup. Oui. Mais on est très contents de ces deux concerts-là. Et puis là, on vient de fêter le week-end dernier la sortie du coffret en Charente, puisque c'est là que tout a commencé. Je suis charentais. Et puis on espère bien sûr que les programmateurs et tous ceux qui font des festivals penseront à nous pour les mois qui viennent, parce que voilà, on espère vraiment faire de la scène un maximum. À Montluçon, vous serez le 19, on rappelle le 19 août. Vous serez où? Vous serez sur scène, parce que les deux scènes à Montluçon de ce festival de la chanson française, qui est la 12e édition d'ailleurs, une très belle édition, parce que il y aura 15 concerts gratuits. Et vous serez, il y a deux endroits pour ces concerts-là, c'est Place Notre-Dame et Place Piquant, pour ceux qui connaissent Montluçon. Vous serez où le 19? Je crois bien que ce sera la Place Notre-Dame, j'en suis presque sûr. Mais alors, à vérifier sur la page Facebook de Cyril Gallet, voilà, ou sur le site internet, c'est ça? J'ai une mémoire qui me fait défaut parfois, mais je crois que c'est ça, Place Notre-Dame, oui. Et toute la programmation, bien sûr, il y a un site et un Facebook du 12e Festival de la chanson française de Montluçon du 18 au 20 août. Et vous y serez le 19. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Le dessin titre de l'album éponyme de Cyril Gallet, qui est avec nous sur Arc-en-Ciel aujourd'hui. Cyril Gallet, ce titre et tout l'album, le dessin, pour tous ces titres-là, on a tendance, j'ai lu, qu'on vous comparait à, peut-être pour un filet dans votre voix, peut-être l'influence jazzy, je ne sais pas, mais qu'on vous comparait à Michel Jonas. Ça vous fait plaisir? Oui, c'est vrai, on l'a déjà dit. Bah, oui, ça me fait plaisir parce que c'est mon prof de piano qui, à l'époque, j'étais au collège et m'avait laissé découvrir un Jonas. Mmh. Et en plus, il se trouve que Laurent, mon pianiste, est aussi assez fan de Jonas. Donc, je pense qu'il y a des influences, bien sûr, qui apparaissent. Et j'adore Jonas, donc ça me pose aucun problème. Au contraire. Dans vos différents titres originaux, ceux que vous avez créés, il y a aussi, à côté de ces titres-là, dans l'album Le Dessin, des reprises, on le disait tout à l'heure, de L'Indifférence, de Becco avec Annie Cordy, votre marraine de cœur, pourrait-on dire. On a aussi des reprises, une adaptation d'un poème d'Arthur Rimbaud, et puis une reprise de Qui d'Aznavour. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'avec... j'ai fait différents spectacles en hommage à la chanson française avant de présenter vraiment mes chansons inédites. Et c'est vrai que avec Sébastien Farge, on s'est rencontrés lors d'un gala de chansons françaises et on avait mis en place cette chanson. On avait répété cette chanson et puis c'est vrai que ça se passait plutôt bien. On aimait bien l'interpréter, le public aimait bien. Donc on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas cette chanson sur l'album, sachant que voilà, c'est aussi un clin d'œil à cette chanson française qui moi m'a donné envie d'en faire. Donc voilà, c'est plutôt dans un esprit d'hommage, voilà. Et une chanson française pour laquelle vous continuez d'écrire de très beaux titres vous-même, parce que vous en faites partie de cette chanson française aujourd'hui. Eh bien, c'est gentil. Vous l'écrivez et vous la chantez formidablement bien. Mais justement, Qui? Bien, on va l'écouter, votre interprétation de ce Qui d'Aznavour. Cyril Gallet sur Arc-en-Ciel. Dans tout ce qui fut nôtre, quand je ne serai plus. Qui prendra ta faiblesse avec des caresses et des mots d'amour, en couvrant d'oubli nos jours de folie? Qui prendra ta vie au bout de mes jours? Nous vivons à 20 ans d'écart, notre amour est démesuré, et j'ai le cœur au désespoir pour ces années. Car lorsque mes yeux seront clos, d'autres yeux vont te contempler. Aussi je lutte avec ce mot de ma pensée. Qui, sans que tu protestes, refera les gestes qui ne sont qu'à nous? Lorsque je t'embrasse, lorsque je t'enlace, qui prendra ma place autour de ton cou? Qui connaîtra tes scènes de folie soudaine ou bien de courroux? Qui aura la chance d'avoir ta présence? Souvent, quand j'y pense, je deviens jaloux. Qui, nul ne peut le dire, qui, nous n'en savons rien, et mon cœur se déchire en pensant que quelqu'un te prendra un je t'aime, et par ce je t'aime, je le sais déjà. Il prendra ta bouche, il prendra ta couche et m'enterrera. Allez, qui, bah, qui exactement nous avons au téléphone avec nous? Il s'agit de Cyril Gallet. Rappelle-nous, Émilie, Cyril Gallet, le site internet pour le retrouver. Cyril Gallet, eh bien, Cyril est avec deux L-E à la fin, et Gallet, G-A-2-L-A-I-S, hein, on ne se trompe pas, c'est www.cyrilgallet.fr, tout y est, y compris, on en parlait tout à l'heure, ses œuvres de réalisateur, parce que j'insiste là-dessus, il croque des portraits exceptionnels, et entre autres le portrait d'Annie Cordy, avec qui il a enregistré un duo, reprise de L'indifférence de Bécaud, que l'on retrouve sur son album. Exactement. Alors Cyril Gallet, tiens, pour terminer cette interview, quel est le titre que tu as envie de nous faire partager, qu'on n'écoute pas souvent en radio, ou que tu voudrais faire découvrir aux auditeurs auditrices? Une chanson, moi, que j'aime bien, qu'on a fait une version, on a fait une version live qui est vraiment différente de la version studio, qui s'appelle L'Exil. Je pense que vous devez la voir, la version live. Oui. Voilà, qui est vraiment une version comme j'aime, c'est-à-dire très un peu jazzy, mais voilà, très intimiste, très voilà, il n'y a pas grand-chose et il y a ce qu'il faut, je pense. Et ça, c'est sympa. Eh ben, c'est calé. En tout cas, c'est sympa à faire. Eh ben, c'est calé, il n'y a pas de souci. L'exil est calé. Voilà, l'exil. Et puis voilà, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Vous êtes une super équipe. Et, mais c'est, nous qui vous remercions, d'abord pour votre présence ici aujourd'hui au téléphone, mais également pour toute votre œuvre, parce que voilà, elle méritait qu'on en parle, et puis elle mérite qu'on en parle beaucoup plus à l'avenir. Je vous souhaite tout ce que vous méritez. Un beau chemin dans la chanson française. Voilà. Eh ben, ça me touche beaucoup, merci beaucoup, merci à tous vraiment. Alors on rappelle, Cyril Gallet, que vous serez sur scène près de Dieppe en Normandie, à Varengeville-sur-Mer. Ce sera le 21 juillet à la ville à Quartz. Et puis au mois d'août à Montluçon, au Festival de la chanson française. Ce sera du 18 au 20 ce festival, mais vous serez sur scène le 19 août en fin d'après-midi. Vous retrouverez tout ça sur les sites du Festival de la chanson française à Montluçon, et puis sur votre page Facebook Cyril Gallet, ainsi que sur votre site internet Cyril Gallet. .fr, où on retrouve également vos vidéos et les portraits, dont celui d'Annie Cordy, que vous avez croqué avec une grande en toute intimité, avec une belle émotion dégagée de tout ça. Voilà. Bon, bah, c'est super, bah, merci beaucoup en tout cas. Énorme merci à toi Cyril, et à très très bientôt, et on termine avec L'Exil, Cyril Gallet, et ce quadruple coffret, un bobo coffret qu'on peut s'offrir pour les vacances, pour partir sur les routes. Il est disponible partout, et voilà. Merci Cyril. Merci, bon week-end. Merci. Pour elle, il était temps de revoir enfin la mer. Elle aimait tant son île, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil, quelque part dans le ciel. Quoi de mieux que la mer pour noyer tous ses pleurs? s'enfuir loin de la terre, oublier la douleur. Elle l'aimait dans son nid, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil quelque part dans le ciel. Devant tous les possibles, on peut se mettre à croire à l'amour impossible et réécrire l'histoire. Elle aimait dans son île, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil quelque part dans le ciel. Avoir tant lutté, avoir tant lutté contre ses sentiments, contre ses sentiments, contre elle vents et marées, contre elle vents et marées, ont l'air de faire semblant. Elle aimait tant son il n'était pas pour elle. Alors je pus l'exil quelque part dans le ciel. Immobile comme un roc, son cœur comme une pierre. Dernier électrochoc s'est arrêté amer. Elle aimait dans son île, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil quelque part dans le ciel. Bâtisseurs de dunes viennent la réconforter. Les soirs au clair de lune, ils l'invitent à danser. Elle aimait tant son île, il n'était pas pour elle. Alors ce fut l'exil quelque part dans le ciel. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.